用不能省电，就想讲安溪，安溪安尼是多啦，溪是多啦，不是。 对。 用不能省电。 Elle fait une obéissance de paix dans nos cœurs. Nous prions Père, accorde nous au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un être d'or, Père, la crée de nous dans nos cœurs? Nous te prions Père. Sois gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires, afin que tu aies de la vie. Sois le nom de Père. Père. Ah, Père, Père. C'est le temps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions par la même occasion que le Seigneur puisse dépouiller nos cœurs. Qu'il puisse dépouiller nos cœurs de tout ce qui ne nous pas. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, fais très simple. Père, nous prions, Seigneur, pour nous. Nous supplions à toi. Nous prions, Seigneur, pour nous. Nous prions, Seigneur, pour nous. Père, circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs, Père, et enlève tout ce qui va nous. De tous les excédents, Père, de ce qui charge nos cœurs, de ce qui surcharge nos cœurs, et tu nous invites à les déposer au pied de la croix, Seigneur. Tous les fardeaux sur les cœurs, Seigneur. Les ressentiments, Père, sur les cœurs. Les manques de pardon sur les cœurs. Oh, la colère sur les cœurs, Père, de plus de l'impôté. Mais enlève tout ce qui ne nous donne pas, Père. Tout ce qui ne nous donne pas, Père, d'avancer dans le droit chemin, Père, de plus de l'impôté sur les cœurs. Enlève, Père. Tu veux un cœur bien disposé pour te servir, Père. Nous te prions, Seigneur, prends le nous contre toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, bienvenue. Amen. Amen. Assions-nous avec ce cantique, s'il vous plaît. Mon Dieu, plus près de moi, 247. 247. Mon Dieu, plus près de moi. Bonsoir.